une histoire particulière. En mars dernier, se sont déroulés les 12e Jeux paralympiques d'hiver en Corée du Sud. 49 délégations y ont participé, 570 athlètes. 6 sports y étaient représentés, le biathlon, le curling en fauteuil roulant, le hockey sur luge, le ski alpin, le ski de fond et le snowboard. La délégation française a ramené 7 médailles d'or, 8 d'argent et 5 de bronze, soit 28 médailles qui placent nos athlètes au 3e rang de l'ensemble des pays représentés. L'emblème de ces Jeux paralympiques incorpore des interprétations stylisées qui ressemblent à des cristaux de glace. Ils symbolisent un monde où chacun a sa place, un mélange de neige et de glace, les étoiles des sports d'hiver que sont les athlètes et les personnes du monde entier se retrouvant là où le paradis rencontre la terre. Deux de ces lettres réunies symbolisent l'égalité. Dans mon enfance, comme je pouvais pas marcher, j'étais souvent à quatre pattes. Et ça m'allait très très bien parce que du moment que je pouvais bouger, c'était ça qui m'intéressait. Donc je n'étais pas en fauteuil roulant, je marchais avec des cannes et un appareil de marche. Et pour pas le porter, je me promenais à quatre pattes. Attention, handicapée méchante. Un documentaire de Philippe Roisès, réalisé par Assia Khalid. Première partie, dépasser le handicap. Alors, j'ai un handicap qui est un spina bifida. C'est un problème à la moelle épinière. Le spina bifida est un handicap de naissance. Normalement, ça se voit à l'échographie. Maintenant, mais quelquefois ça ne se voit pas. Et suivant la hauteur du défaut dans la colonne, on est plus ou moins paralysé. Donc en fait, ça m'a paralysé les jambes, le bas, puisque c'est à la 5e lombaire, c'est à la dernière. Elisabeth Auerbacher. Je suis née à Périgueux. Mon père avait quitté l'Allemagne en 1933 à cause d'Hitler. Ma mère, elle était française, donc j'avais un père allemand et une mère française. Et puis j'avais une sœur qui avait 3 ans de plus que moi. À partir de ma naissance et par rapport aux problèmes que je posais, sans doute pour d'autres raisons, ils ont divorcé. Parce que ma mère s'est complètement consacrée à moi. Et mon père, en 58, est reparti en Allemagne. Et donc j'ai vécu surtout avec ma sœur et ma mère. Mon père venait de temps en temps nous voir. Et la famille s'est certainement disloquée du fait que j'étais handicapée, que je suis née handicapée. Mon père n'a jamais accepté, c'est un très brave homme, mais il n'a jamais accepté que je puisse être handicapée. Pour lui, c'était la faute de ma mère. Et quant à ma mère, c'était une femme très folklorique, très cultivée, et qui s'est beaucoup dévouée, a beaucoup, à son corps défendant, infantilisé, mais avec un dynamisme qui permettait justement d'être ouverte. Elle était très surprotectrice, mais comme elle donnait la possibilité de se cultiver, ça a un peu compensé cette surprotection qu'elle avait vis-à-vis de moi. J'étais toujours le petit enfant. L'infantilisation, ça dure jusqu'à très tard. Jusqu'à 32 ans, parce qu'à 32 ans, je me suis mariée, ma mère a pleuré le jour où... Donc, l'infantilisation, c'est « tu peux pas faire ça, tu vas faire ça, tu peux pas faire ça, il faut que tu te trouves un boulot, tu bouges pas. » On vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Pour vous garder comme un bébé, quoi. Vous êtes toujours le petit, le bon petit handicap, et on dit. L'infantilisation dans la famille, c'est ça. Enfin, dans la famille proche, essentiellement ma mère... T'es la petite et tu restes un petit enfant. La pitié, la honte, c'était vraiment la famille. On m'invitait pas parce que j'allais salir les coussins, parce que j'étais incontinente. C'était vraiment la pitié, que je ferais jamais d'études, que je ferais jamais rien. Et ma mère, c'était la pauvre femme qui avait eu un enfant handicapé. Et c'était ça, cette notion de honte, ça vient pas de l'école, ça vient complètement des proches dans la famille, qui étaient en fait les seules personnes que l'on voyait. Je jouais bien par rapport à ma mère. C'était la pauvre Lucie avec ses problèmes, la pauvre Lucie avec sa fille. Et on la recevait par charité. Je le ressentais comme ça. Le sentiment de ce qu'est la charité, je l'ai eu très jeune. Il y avait ces espèces de pitié qui va à quelques relais de la charité. On avait pitié, mais on n'acceptait pas. Mais on faisait sa bonne œuvre. Alors, comme j'étais une enfant assez dynamique, un peu énervée d'ailleurs, et que je voulais faire des choses, on disait « Oh là là, quel courage !» et sa mère, quel courage. Donc je l'ai entendu. Et pour moi, ce n'était pas ça. Et c'est quelque chose qui était inhérent en moi de ne pas supporter ce terme. Et je ne peux pas le supporter. Alors, j'ai eu une chance extraordinaire à l'école. C'est que donc ma mère est allée voir la directrice d'école à La Haye-les-Roses, qui, par ses engagements politiques, avait décidé qu'elle me prenait. Et j'ai été à l'école normalement avec tous les enfants. Et du coup, ben, je suis allée au lycée, j'ai fait toutes mes études au lycée, normalement, avec les autres, sans aucun problème. Et vient la puberté. Là, je me suis sentie mal, parce que je voyais bien les autres filles, comment elles se développaient, comme moi je me développais, et le regard par rapport aux garçons et les insultes que je pouvais recevoir. Là, c'est à la fois la puberté des garçons et la puberté des filles qui a fait ce rejet total, un vrai rejet. Enfin, j'avais mes amis, hein, bien sûr, mais je me sentais complètement rejetée. Et j'avais honte de ce que j'étais. C'est là vraiment, c'est 15-16 ans, la fin de la puberté, où le rejet des autres fait qu'il faut que vous trouviez une solution. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai honte d'être moi-même, j'ai honte d'être née, qu'est-ce que je dois faire? Et là, je suis tombée sur un livre de prière, je crois, et je me suis dit, ben, c'est peut-être ça qui va me donner l'espoir. Et très vite, je me suis rendu compte que non, c'était pas ça, il fallait autre chose. Sans doute à cause des désirs de vie que j'avais. Nicolas Houguet tient un blog littéraire et est auteur lui-même. Épris de culture, il s'est passionné pour la littérature et le cinéma. Il est aussi handicapé moteur. Les mots et les images lui ont justement permis, le mouvement et les voyages, que son corps restreignait. Il est plus jeune qu'Elisabeth Auerbacher. Les inviter à converser ensemble constitue une manière de mesurer le chemin parcouru concernant la place des handicapés dans notre société. C'est aussi un moyen de prendre conscience que beaucoup reste à faire. On est beaucoup trop mis en avant pour tout ce qu'on fait, en fait. Enfin, je me souviens, quand j'étais môme et que j'ai pu nager sur quelques dizaines de mètres, les gens m'applaudissaient sur la plage. Ah oui, d'accord. Et des choses comme ça. Est-ce que vraiment le handicap, c'est une souffrance? Je ne suis pas certaine qu'on ait plus, surtout quand on est en fauteuil roulant, quand on est handicapé moteur. Oui. Je ne suis pas certaine qu'on ait plus de souffrance que quelqu'un d'autre. Je ne le crois pas. La souffrance, elle est par les autres qui vous renvoient à quelque chose. Mais est-ce que vous avez vraiment des douleurs? Est-ce que vraiment le handicap apporte des douleurs spécifiques? Je n'ai pas tellement cette impression. Ah si, quand même un peu. Mais disons que ça apporte une fragilité supplémentaire qu'il s'agit d'assumer. Disons qu'on a l'inconvénient d'incarner une souffrance aux yeux du monde. Et je pense que il faut insister sur la banalité des gens handicapés aussi. Je trouve qu'on a insisté sur justement, enfin, l'exemplarité, l'athlétisme, le courage. Et à la base, en fait, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est le regard des enfants quand ils se mettent devant vous pour la première fois et qu'ils voient un fauteuil pour la première fois. Il y a cette espèce de sidération. Il faut quand même avoir en tête que notre condition à nous a quelque chose de totalement inhabituel, qui quelque part oblitère complètement notre identité. Et je crois que c'est très tentant de n'être que le produit de cette sidération dans les yeux des enfants et de se définir comme ça et de se définir presque en réaction à ça. que ça les étonne. C'est bien que ça les étonne, c'est normal. C'est normal. C'est pas logique. Bon. Oui. Mais surtout que les petits, on leur dit il faut marcher, donc ils ne comprennent pas. Mais à partir du moment où l'éducation est faite, que ça soit l'école maternelle, que ça soit l'école communale, qui est, et ce qu'il faudrait, c'est que dans chaque classe, il y ait un fauteuil roulant, ou que dans chaque action sportive, il y ait d'enfants, il y ait un fauteuil roulant. Sur le sport, alors moi j'étais très, très comme Churchill, hein, no sport. Ouais, moi aussi. Mais en définitive, je me rends compte que le mental de ceux qui sont investis dans le sport, justement, ont cette notion, on veut pas de charité, on veut pas de domination. Alors, c'est pas élaboré intellectuellement, mais c'est le plaisir d'être dans le sport. Et ça, je trouve que c'est pas si mal, ça leur apporte un... se sentir bien dans leur peau. Oui, c'est ça. Et c'est déjà pas mal. Se réconcilier avec son corps. Oui. Quelque part, parce qu'on a, on a été élevé près, enfin, moi, j'ai longtemps vécu dans le dégoût de mon corps, enfin, dans, bon, dans tous, ces... On le fait tous. Oui, hein. Voilà, c'est ça. C'est même pas une éducation. Même c'est... si on a les parents les plus extraordinaires qui existent. Ah non, mais ça vient pas est, du tout de mes parents. On a l'impression que notre corps n'est pas celui qu'on aurait voulu avoir. Voilà. C'est une détestation totale. Enfin, c'est... Et finalement, on passe notre vie à essayer de se réconcilier avec ce corps, même avec ses limites. Oh, et à... pas toute sa vie. Non, enfin, un long moment quand même. et finalement, le handicap, c'est quelque chose que j'ai incroyablement subi. C'est quelque chose que j'ai eu à affronter à mon corps défendant, mais c'est certainement pas moi. Alors là, je vous interromps. Excusez-moi. Votre personnalité, elle est fonction de ce que vous êtes. Exactement. Donc, elle est fonction du handicap. Je serais pas handicapée, mais je serais pas avocate. Je serais pas en train de militer. Vous auriez pas eu la hargne. Ah non, bah, moi, je serais à mon quatrième lifting, mon cinquième mari, hein. Je me serais pas intéressée aux études, sûrement pas. Et je me serais intéressée qu'à moi-même, à mon corps, à... Voilà. En fait, le handicap m'a permis d'exercer une profession, d'être indépendante. Ok, il y a quelques petits problèmes, hein, de circulation, de bon, d'accord. Mais j'en serais pas du tout là. Ouais, mais c'est très vrai. Enfin, je pense que donc le handicap a un côté bénéfique. Le handicap sur soi-même. Le handicap a un côté extrêmement bénéfique en ça qui permet de se tracer sa route. En ça qui permet exactement de se dire, puisque la norme m'exclut. Je vais me tracer ma route, je vais me tracer mes références, je vais commencer à voir ce qui me plaît dans le monde, à voir ce qui me fait plaisir, à voir ce qui est ouvert pour moi finalement. Avant de vous accepter complètement, vous êtes passé par cette phase de d'aliénation où finalement on veut essayer de se conformer au mode de vie des valides. Avant de prendre conscience, mais c'est tardif la prise de conscience. Avant de prendre conscience, ben, j'essayais d'être comme les autres. Bien évidemment, j'y arrivais pas. Ça, c'est 15, 16 ans, 17, oui, 16 ans. Et là, vous sombrez dans un espèce de marasme du néant. Je crois que si j'avais pas eu la littérature, je serais restée dans mon coin, dans mon lit, toute ma vie. Quoi. Il y a un moment donné où vous êtes, je me souviens très bien de cette situation, où j'étais dans mon lit, je voulais pas bouger. Quoi. C'était comme une forme de dépression nerveuse. Hein. Vous avez l'impression que le monde est contre vous, que tout est contre vous, et que vous n'arriverez jamais à passer outre. Et la littérature m'a fait prendre conscience qu'après tout, on faisait partie d'une minorité, que cette minorité, elle devait se battre. Alors c'est des textes politiques, que c'est François Mauriac, c'est voilà, c'est tout cet ensemble de littérature et de lecture de combat qui m'a permis d'avancer. À partir du moment où vous voulez ressembler à la norme, vous ne voulez pas vous sentir dans un ghetto, comme j'ai eu la chance de ne pas aller ni à Garches, ni dans un centre pour handicapés de rééducation. Du coup, comme vous recherchez la norme, vous ne voulez pas être avec des handicapés. Et c'est vraiment en cité universitaire que je me suis retrouvée avec des handicapés, parce que sinon, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans mon entourage. Moi, j'avais mes copains de classe. Une fois le passage puberté, 15 ans, la troisième, là où tout bascule. Sinon, après, ça s'est aussi très bien passé. Et puis après, j'ai fait mes études de droit. J'avais aussi des copains d'études de droit. Donc, et quand vous recherchez la norme, vous voulez être comme les autres. Vous ne voulez pas être senti comme dans un ghetto. Et d'ailleurs, je continue toujours quand je vois quelqu'un en fauteuil roulant et handicapé. Je ne regarde pas. Il vit sa vie, je vis ma vie. Justement, c'est peut-être pour ça qu'au niveau, dans le terme communauté et communautarisme, je ne supporte pas, parce que j'ai l'impression qu'on nous ramène dans un ghetto, et ça, je ne le supporte toujours pas d'ailleurs. Vous avez vraiment vécu la société où on cachait les gens, enfin, où les gens sortaient pas. Et moi, j'ai connu le monde où on commençait à sortir. Et je suppose que les gens de 20 ans, qui ont 20 ans de moins que moi, donc maintenant, connaissent un monde encore plus accessible que nous. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une durée hyper longue et qui est complètement étrangère au monde actuel. Parce qu'on est dans le monde de l'instantanéité, on est dans le monde où tout se passe très vite. Et c'était spectaculaire parce que pour moi, on est encore dans une démarche de conquête du monde quelque part, de s'approprier le monde, de l'apprivoiser. Moi, pendant longtemps, j'ai eu très peur de sortir, mais vraiment, parce que je me disais, je suis pas capable d'affronter les trottoirs, je suis pas capable de. C'était violent, quoi. Et puis d'un seul coup, on sort et on se dit, mais j'y arrive. Et on s'aperçoit que les difficultés qu'on avait intégrées était plus de l'appris que de l'expérience. Et c'est une sorte de refoulement, quelque part. On s'interdit le monde. Et je pense qu'au fur et à mesure que le temps passe, bah, le monde s'ouvre. À force de combat, à force de réflexion, à force d'affirmation des personnes handicapées aussi, qui n'ont plus honte. Parce que quand même... enfin. C'est ce qui m'a beaucoup frappé quand vous parliez de votre livre, c'est la honte aussi. C'est vraiment quelque chose qui est marqué. Moi, ça me touche beaucoup de faire sortir cette honte et d'arriver à l'exprimer maintenant. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est acceptable de l'exprimer, que c'est pas vécu comme une plainte, que c'est pas vécu comme une revendication outrancière, que c'est quelque chose d'acceptable. Et je pense que c'est ce que notre époque nous a apporté. Alors, je pense que c'est le combat, hein. Oui, je crois. Les dossiers de l'écran. Le mariage est un symbole avec Elisabeth d'insertion sociale et de normes. Antenne 2. C'est-à-dire que la première question qu'on se pose entre handicapés, 15 c'est... septembre 1981. Est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu as un copain? Et que la vie sexuelle, bon, il y a les tabous, c'est vrai, mais on est des hommes et des femmes et on a notre vie sexuelle et affective normale. Mais notre vie sexuelle et affective est complètement bafouée par les parents qui nous infantilisent totalement, qui sont persuadés que jamais on pourra avoir de relations sexuelles, jamais qu'on sera capable d'avoir des enfants, et alors on aura les enfants qu'on aura, et même s'ils sont handicapés, pourquoi pas, ça doit être un problème de choix, point final. Et que deuxièmement, par ailleurs, notre vie sexuelle et affective est tellement exclue, on en est tellement privé, que le mythe du mariage devient un mythe en dehors de tout. C'est-à-dire que le mariage devient le symbole typique de la réinsertion sociale, de la norme. Et pour qui? Pour les handicapés. Ah oui, absolument. Pour les handicapés. Et je crois que nous, en tant qu'handicapés, quel que soit notre handicap, on doit, c'est toujours la même chose, on doit combattre pour arriver, quitte à agresser les gens. C'est un moyen comme un autre, c'est peut-être pas le meilleur. Mais je veux dire, quitte à les agresser, à leur demander crûment si ils ont envie de coucher avec nous ou pas, mais pour faire tomber ces tabous, parce qu'on est comme les autres. Je ne sais pas si on fait mieux l'amour ou moins bien l'amour, ça, j'en sais absolument rien, mais en tous les cas, on en a le désir et on a le droit de le vivre. La séduction est devenue une possibilité depuis 5 ou 10 ans, depuis pas longtemps, où on arrive à susciter le désir, justement. Oh, bah, c'est pas depuis longtemps. Ah si, hein. Enfin, je trouve que je parle en termes de représentation, en termes de littérature, en termes de cinéma et tout ça. C'est plus étrange de voir un handicapé qui embrasse quelqu'un, qui vit une histoire d'amour. C'est ça. Et je trouve que c'est rentré dans les mœurs, dans les représentations, justement. Et ça, c'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire qu'on arrive à parler de sexualité dans ce domaine aussi. Voilà. C'est vrai qu'au niveau littérature, je pense, au niveau film... on avance à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'handicapé qui raconte ses peines. Exactement. C'est autre chose, c'est une vision un peu différente, mais qui n'est pas dans la vie quotidienne de tous les jours quand même. Non, vraiment pas. Donc on est à mon avis dans un cheminement, je ne désespère pas, on est dans un cheminement, mais on a encore quand même beaucoup de travail à faire. Vraiment, c'est quelque chose qui me frappe avec le handicap, c'est l'absence de choix, en fait, l'absence de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on va décider pour vous, on va décider quelle norme est bonne pour vous, quel risque est acceptable pour vous. Et c'est ce dont on parlait un peu plus tôt sur le rapport de domination. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, mais dans une petite histoire de poignée de porte, quoi. C'est vraiment partout. Partout. Dans tout ce qui nous entoure. Je vois, j'ai vu un super fauteuil électrique avec 4 roues motrices, enfin un truc tout léger qu'on peut plier, qu'on peut rentrer dans les voitures. Ah ben, vraiment. C'est génial, enfin c'est vraiment le truc qui peut libérer tout un tas de gens. Mais je suppose qu'il a pas passé tous les contrôles et il est pas sécure, il est pas conforme à toutes les normes et à mon avis sortira jamais. Ça reste des prototypes où on vous dit non, c'est dangereux pour vous. Et je pense que tout est comme c'est ça. C'est très énervant. Il m'arrive d'aller voir des concerts, enfin, je suis quelqu'un d'assez... Bah, j'aime beaucoup les choses de la culture. Vous rentrez dans une salle de spectacle, on vous met bien au fond, près des sorties de secours, pour votre sécurité. Oui. Et une fois, ben, j'ai voulu aller au pied de la scène, dans la fosse, avec les autres qui dansaient au pied de la scène. Un pompier est venu me chercher, il a chopé le fauteuil, et il me ramène à la place qui m'était assignée. Et c'est la norme. Et d'ailleurs, en vous écoutant, ça me... Je vois bien l'évolution. On est dans une société en général, alors ça c'est par rapport au handicap, mais une société en général qui est très normée, cadrée, et je crois qu'il faut dépasser cela en réintégrant la notion du risque, en réintégrant le plaisir de vivre du moment. Et le plaisir du danger aussi. Ben c'est le risque. Oui, c'est ça. Et je pense que quand on est handicapé, on est entretenu dans une vie sans danger. Le fait de... Vous voulez dire l'éducation familiale? Oui. Oui, parce que après, il faut à un moment donné réagir et se mettre en danger. Enfin, se mettre en danger, prendre des risques. J'ai souvent eu ce genre de choses où j'étais prêt à dire aux gens, mais je suis prêt à signer une décharge, moi, si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est la peur de la responsabilité. La personne handicapée ne peut pas être une personne qui prend des risques. C'est là où il faut se battre. C'est se battre sur le fait que c'est ni gloire ni exploit, mais simplement être. Et ça, on l'a pas gagné. Hein. Rencontre de Patrice Galbeau avec Elisabeth Auerbacher, France Culture, 1er janvier 1982. Babette, handicapée méchante. C'est devenu mon nom de militante. C'est votre nom de militante. Et c'est le titre aussi d'un livre qui vient de paraître chez Stock, qui est paru il y a 2 mois, 3 mois. Handicapée méchante, entre guillemets, évidemment, parce qu'handicapée vous l'êtes. Méchante, vous n'êtes pas. Mais c'est un mouvement que vous avez créé, handicapés méchants. Oui, en 1973, donc après toutes les idées 68ardes qui ont fait leur chemin, il y a eu un mouvement spontané établissant l'analyse politique du handicap. On a été le premier mouvement à faire l'analyse politique du handicap. Ce mouvement s'appelait le Comité de lutte des handicapés, a eu un journal, et puis comme on voulait vraiment se différencier des autres handicapés, qu'on traite toujours de bons petits handicapés, on a appelé le journal Handicapés Méchants. Je vais commencer par ce qui m'a frappé en premier. Moi, c'est la dénomination des handicapés méchants. Nicolas Houguet. Et c'est un oxymore qui est absolument scandaleux. Encore maintenant, je veux dire, le handicapé, il est gentil, il est angélique, il fait tout ce qu'on veut, il a pas d'affect, il a rien de tout ça. Et je trouve que affirmer qu'on peut être de mauvaise humeur, affirmer qu'on peut refuser des choses, et affirmer qu'on peut ne pas être reconnaissant de son sort, et ne pas être un exemple de courage, de être cité en exemple, en fait. Enfin, c'est toujours ce que moi j'entends en permanence, c'est vous êtes un exemple, vous êtes courageux, mais non, je suis pas un exemple. Enfin, moi, à chaque fois qu'on me demande de parler à ce titre, mais je trouve que c'est d'une absurdité, mais totale. Parce qu'il y a pas de courage à être comme on est. On essaye de supporter notre sort comme on peut. Avec les moyens du bord, et souvent en s'inventant un bien-être qui n'existe pas. Puisque, la loi non écrite, c'est que tout le monde décide pour vous. Que ça soit votre famille, vos amis, la société. Enfin, j'ai vécu dans le déni de mon handicap pendant longtemps, à vouloir le masquer, à pas vouloir en parler du tout, et à vouloir compenser par plein de choses pour montrer que j'étais capable. Et c'est cette sorte d'affect qui est spectaculaire, je trouve, dans cette idée d'handicapé méchant. Alors, handicapé méchant, justement, parce que c'est le bon petit handicapé qui fait de la mendicité, donc on a cherché un slogan qui soit le contraire, et on a trouvé handicapé méchant. Le problème des handicapés méchants, c'était pour dire on existe, oui, on ne subit pas cette domination, oui. On s'assume, évidemment que... vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc il y a toute une période de jeunesse où on essaye de cacher, d'être autrement, puisque la société nous rejette. Donc on a en la besoin... La norme est hyper violente, excusez-moi, la norme est le poids de la norme, le poids pour se ressembler, se fondre dans la masse est incroyable. Parce qu'on est dans une société où on doit se ressembler. Exactement. Et que nous, on est ce qu'on est, c'est tout. On existe, on est des êtres, je suis une femme, et qui est, a une spécificité qui est le handicap, mais avec tous les désirs d'un être humain. Je trouve qu'il faudrait enseigner aux gens qui sont en situation, dans notre situation, en fauteuil, à affirmer leur handicap, à l'afficher, au lieu de le cacher. À un moment donné, il faut... rendre consciente son humanité indéfectible. Et c'est cette manière de ne pas se réduire à une fonction, de ne pas se réduire à un titre. Et finalement, enfin, je me suis souvent aperçu qu'en entrant dans un endroit qui n'était pas accessible, dans un restaurant qui n'était pas accessible, enfin, dans un cinéma, enfin, on devenait ambassadeur de sa condition. Et on devenait, aux yeux des gens, un handicapé. On n'était pas Nicolas ou on n'était pas Elisabeth, on était quelqu'un en fauteuil roulant. Et on devient ça. Il y avait des vieilles émissions à laquelle vous aviez participé, les dossiers de l'écran, etc. Et ce qui m'a frappé déjà, c'était le ton absolument paternaliste du présentateur qui est avec le recul et à mourir de rire. Et cette espèce de violence dans le vocabulaire qu'il n'y a plus maintenant. On disait débile mentaux, on disait... des choses comme ça, on disait mongolien, on le dit plus, enfin... Et je pense que cette violence dans le langage manque maintenant. C'est lénifiant. Ça atténue la violence, en fait. Ouais. Et je trouve qu'on a besoin de violence pour décrire cette condition-là. Son injustice, quelque part, qui est une injustice structurelle, qui est une injustice dans l'urbanisme, qui est une injustice même dans le regard comment des gens. Comment vous voulez le résoudre, sinon par un combat politique? Mais je crois qu'il faut un combat politique. Ça. Pour avoir un combat, on doit le structurer politiquement. C'était Attention, handicapée méchante, avec Elisabeth Auerbacher et Nicolas Houguet. Prise de son, Olivia Branger. Mixage, Marie Le Peintre. Archivina, Linda Simon. Réalisation, Asia Ralid. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Philippe Roisès.